Ici les visages sont aigris, tout le monde veut des verres, c'est pour ça que tout le monde boit rouge. Je fais pas le nouveau riche, car ta tête sur les épaules. Ma voiture est full noire, mon survêt est full blanc. Ça essaie de me la faire tordu, c'est pour ça que je pète les blancs. Et ici rien n'est facile, moi je dis la vie c'est dur. Y'a des hauts, y'a des bas, faut juste serrer la ceinture. Alors de 1, je sais pas pour qui tu m'as pris. De 2, quand je te vois, je vais faire la crise. De 3, la mise, je suis pas célibre, donc je te calcule pas, même si tu me fais la crise. Je crois que ce soir faut que j'oublie tout en pied avant. La route du succès est longue, j'ai vu la galère en y allant. Tu voulais profiter, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Heureusement mes CD sont d'or et de platine et diamant. Je leur trouve des solutions, ils me font des problèmes. Je leur fais du bien, ils me veulent du mal. Ils font que des poussettes sont pas sereins quand ils promènent. Ils pensent à moi quand ils s'élèvent assis du mal. Je leur trouve des solutions, ils me font des problèmes. Je leur fais du bien, ils me veulent du mal. Ils font que des poussettes sont pas sereins quand ils promènent. Ils pensent à moi quand ils s'élèvent assis du mal. Garde le silence, j'ai pas me vanter. Ça me pique sur les réseaux, je fais le fantôme. Ma vie est faite, vais pas te planter. J'ai pas ton temps, je te laisse, vas-y chantonne. La ville me rend nerveux. Ils font la guerre trop, j'sais même pas pourquoi. Pourquoi tu veux que je serve? Je continue à sonner même en réserve. La ville me rend nerveux. Ils font la guerre trop, j'sais même pas pourquoi. Pourquoi tu veux que je serve? Je continue à sonner même en réserve. Je leur trouve des solutions, ils me font des problèmes. Je leur fais du bien, ils me veulent du mal. Ils font que des poussettes sont pas sereins quand ils promènent. Ils pensent à moi quand ils s'élèvent assis du mal. Je leur trouve des solutions, ils me font des problèmes. Je leur fais du bien, ils me veulent du mal. Ils font que des poussettes sont pas sereins quand ils promènent. Ils pensent à moi quand ils s'élèvent assis du mal.